Yes, tonton Eiffel, ça se passe. Ça se passe, moi. Bon. Écoute, là, pour ton projet, j'ai ramené toutes sortes de prods un peu différentes. Et je me demandais si t'étais pas chaud de faire un petit craquage nocturne. Un bon gros craquage, alors on y va franchement. Je fais des craquages nocturnes, je suis expert en la matière. Mais je suis fatigué de rentrer quand la matière déjeune. On ternit nos images, bousille notre héritage. On se cache car on est comme la plupart des jeunes. Je ne peux pas fermer les yeux, c'est comme un rêve éveillé. Donc j'envahirai les lieux car j'ai le sommeil léger. Je ne peux pas fermer les yeux, c'est comme un rêve éveillé. Donc j'envahirai les lieux car j'ai le sommeil léger. Toujours la même lampe, le même plafond au-dessus du même lit. Ce soir je sors cul sec de pur, allumer les mêmes spliffs. Si dans ma vieille chambre, patiente, j'attends le moment où porte un dring dring le téléphone. Les potos savent, crise là se porte bien. Donc je fais semblant que tout baigne en attendant mes bouteilles. J'attends que les bonnes nouvelles, je finirai pas dans les poubelles. C'est comme ça que ma vie je l'amène. Connard ne m'invite jamais, je m'excuse, c'est parti, ça y est. Nexus pakistanais. Ils veulent nous faire taire, mais non pas nos maladies. Élevé par le rap, engrainé par la tisse. BD ne parle pas, tu vas baigner dans la piste. T'es tombé sur la liste, t'as reconnu le nom d'artiste. C'est FL, bro, Belek, bro. Dis-moi quel effet ça fait d'être, bro. On initie les novices, personne n'a suivi nos vices. Ils n'ont pas compris nos rimes, l'instrumental est horrible. On n'a rien dans la tête, on est condamné. C'est même plus la terre, c'est des vols planés. J'suis dernier dans ma grotte. Tu dis pique, tu dis frotte, tombé dans la drogue. J'fais des craquages nocturnes, j'suis expert en la matière. Mais je suis fatigué de rentrer quand la matière déjeune. On ternit nos images, bousille notre héritage. On se cache car on est comme la plupart des jeunes. Je ne peux pas fermer les yeux, c'est comme un rêve éveillé. Donc j'envahirai les lieux car j'ai le sommeil léger. Je ne peux pas fermer les yeux, c'est comme un rêve éveillé. Donc j'envahirai les lieux car j'ai le sommeil léger. J'ai un grave sale qui est trop, vous êtes des sales. Crasse qui est chaud, tu vas gober mon rap. Parce que je mâche pas mes mots pour les refrais. Je ramène du tout bon cadeau. Vous allez pas percer mes coulées à force de nous mener en bateau. J'essaie d'y voir clair, mais à chaque fois que j'ouvre une porte c'est vide. J'avance pépère avec toute ma troupe et mon drôle d'esprit. On m'a dit tu fais que de la merde et puis t'es trop débile. Mais depuis qu'au Mike on met des pêches, leur apporte ses fruits. Connais pas le life alors vas-y cause pas. Mec j'ai pas le time alors vas-y laisse moi. Même si je sens mal, dis toujours que ça va. J'suis un gars normal qui pose des grosses pas. Eh belle, ça c'est le Zebla RZ pour le fils voilà. Le 16 derrière les Shima en dev, t'inquiète on change pas. Notre team c'est de la merde, c'est à condamner. On a perdu la tête ou on se laisse aller. On vit sur toutes vos modes. Quand Rizla et FL le font c'est trop fort. Je fais des craquages nocturnes, je suis expert en la matière. Mais je suis fatigué de rentrer quand la matière déjeune. On ternit nos images, bousille notre héritage. On se cache car on est comme la plupart des jeunes. Je ne peux pas fermer les yeux, c'est comme un rêve éveillé. Donc j'envahirai les lieux car j'ai le sommeil léger. Je ne peux pas fermer les yeux, c'est comme un rêve éveillé. Donc j'envahirai les lieux car j'ai le sommeil léger. Sommeil léger. Sommeil léger.